Je veux dire merci à mes vieux maîtres. Merci pour la révolution. Un peu tranquille, il faut l'admettre, pour ceux qui payent pas l'addition. Merci pour les cours de musique et bravo pour l'égalité. Ce qu'on fume à l'école publique, ben, on le sniffe à l'école privée. Aujourd'hui, le lundi 20 janvier 2020. 20 partout! Hey, c'est du 20 partout! Heureusement! Alors, monte le volume et une la différence que c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'était Dropout. Mon introduction, là. Vous avez entendu mon introduction, Madame Guérette? Non, vous étiez en train de torcher votre dernier, là. Il n'est pas capable de se torcher lui-même. Il y a 27 ans, à un moment donné, là. Chaque mon cas, maman, ton petit gars s'en va, Dropout. Savez-vous, c'est de qui, Madame? Sylvain Lelièvre. Le grand Sylvain Lelièvre, que j'ai une grande admiration pour ce gars-là. Puis il l'a jamais su. Et j'ai toujours suivi de près. Mais, non, on va arrêter là. Sinon, comment ça va? Hey, 20. Ça en fait-tu des vins? Prends-tu 20 piastres, man? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'acheter de la drogue? Non. Je veux juste étudier. 20 piastres? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Ben, je veux apprendre la couleur du 20$. Hein, le chiffre 20, je ne comprends pas trop, moi, là. Parce que je n'ai jamais eu dans ma main des 20$. Fait que ce serait le premier. Tu sais, ça pourrait peut-être me faire évoluer. Te faire évoluer? Ben, 20 piastres, papa. Hein? Et qu'est-ce que tu veux faire avec ce 20 piastres-là? L'étudier. Un peu, là. Pourquoi pas une pièce? Ah, oh, ben une pièce, je connais ça, une pièce, j'en ai plein de pièces. Hein. Hey, ben, j'en ai pas plein, mais j'ai un dollar dans ma poche. Je connais ça, les un dollar, des dollars. Okay. Les 5 cents, ça, je connais ça par cœur. Les 1 cent, j'ai pas connu du nom. Non, je suis arrivé avant la scène. Êtes-vous arrivé avant la scène, Mme Cangren? La scène noire là, qu'on a enlevée, c'est en quelle année, ça? Est-ce que vous vous en souvenez? Ma belle noire, hey, ma noire, toi, tu te coucheras pas tard à soir. Hein? Ton bonhomme s'en vient. Mais, pis, non, notre vétérinaire m'attache à nos voleurs. Oui, monsieur, oui, madame, c'est de l'appris par cœur. Quand t'es petit, on te fait-tu apprendre des affaires par cœur? Le par cœur, ça écoeure. Parce qu'il faut, ça devient instinctif. Mais je suis sûr que certains professeurs qui nous écoutent, à cette heure-là, vous êtes quoi, là? Professeur au cégep, à l'université, pas au primaire, au secondaire, là. Parce que là, surtout les professeurs du secondaire sont en train d'étudier hein, la manipulation d'une arme à feu. Pas facile de gérer des étudiants, là. Hey, vous restez tranquille, là, hein? Moi, j'ai un 12 cloisonné. Cloisonné, c'est un nouveau fusil, là. C'est pas coupé, là. C'est cloisonné. Si quelqu'un bouge, là, hein, restez calme, parce que je vais pas me retrouver, moi, là, à dire au directeur qu'il y en a un de moins, là. Hein. Restez tranquille. Hé, hey, là, ça crie, ça tire des armes. Ils sont pas là pour apprendre. Ils sont là pour se divertir. Ils ont peut-être un peu raison. Donc, il faut peut-être changer d'approche. Très important, l'approche, là. Rendre ça intéressant. Tu sais, au primaire, c'est pas si mal, là. Tu sais, tu apprends A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V. C'est quoi? V. C'est quoi? V, ouais, V. V. C'est quoi après? Non, ça arrête à V. Non, non, ils sont arrêtés à V. Parce que la chanson... Ave Maria... Ave... Non, non, il n'y a plus rien après à V. Mais il y a autre chose! Parce que ça finit par Z! Ah, tu sais que ça finit par Z? Non, après V? Je sais pas, moi, je... Non, mais... Arrête de pleurer, là. OK? Prends sur toi, mon champion. Hein? Je suis pas un champion, c'est moi, c'est moi, c'est... Non, non, non, écoute. Moi, là, j'ai pas appris l'alphabet en 2 minutes, là. Hein? Puis Rome, c'est pas fait en 3 semaines et demie. Puis Beko a pas appris toutes ses paroles en 2 jours, là. Calme-toi un peu. Là, t'as aucune référence. Mais c'est qui ton Beko? Ben, c'est ça. Pas de référence. Mais c'est pas important. La référence, c'est dans le savoir. Plus tu sais, plus tu comprends. Moins tu sais, plus tu es imbécile. Donc, les imbéciles, tu sais, on dit un imbécile heureux. Ça vient pas être comme ça tout seul, là. L'imbécile ne le sait pas qu'il est heureux. Parce qu'il parcourt un autre sentier, comme le disait mon bon Félix, un autre sentier près du ruisseau. Mon sentier près du ruisseau. C'est la grève vers la côte nord. Dis-moi ce mot, dis-moi ce jour. Dis-moi ce jour. Non, c'est pas mon imitation de M. Leclerc. Non, non, non, non. J'ai un grand estime pour cet homme. Autant que pour Félix, oui, que pour Sylvain Lelièvre. Parce que ce sont des individus qui ont fait évoluer la langue dans une direction qui nous a amenés à nous interroger nous-mêmes sur la langue française. C'est fort, ça, là. Bon, quand je dis interroger, moi, ça m'a interrogé, là. Moi, j'ai demandé à Roger hier, j'ai dit, Roger, ça t'a-tu interrogé, ça? Non, mais interroger quoi? Interroger qui? Interroger... Non, non, Roger, on parle de littérature. Littérature... Le journal, la littérature. Non, non, non, non, non, non, non, non, de création, là, des gens qui se sont donnés un peu comme les professeurs se donnent aux élèves. Hein? Ils veulent quand même que la société devienne autre chose. Et qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Ah ben là, le professeur, il a pas eu son port d'armes, fait qu'il peut pas professorer. Il peut pas professorer. Peux-tu me dire d'où vient ce mot-là, professoré? Ça vient de ma bouche. Oui, puis ta bouche. Mais ma bouche a des dents, puis tu sais, il y a la langue qui a comme amené professoré. Puis il y a un cerveau, quelque chose qui ressemble à ça. Ça ressemble, mais ça, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est comme si, mais c'est comme ça aussi. Ça peut être autrement, mais on n'est pas passé par là. Puis là, le chemin que je veux emprunter, là, on sait même pas si on doit pelleter pour aller plus loin. Comment ça, on nous a pas dit, amène ta trotteuse, batteuse, puis enlève tout ça, là. Souffle le vent de neige. Le vent de neige. Mais là, le vent de neige. Je sais pas, je connais pas ça, la neige, moi, là. Moi, je suis pas un neigeux, moi, là. Moi, je suis un intellectueux. Oh, oh, oh! Un intellectueux. Ah ouais, moi, là, j'intellectualise tout ce qui peut se passer, là. Je peux même te décrire. OK? Je peux te décrire à la seconde près ou à la minute, parce que toi, t'es pas un vite. On va dire à la minute, parce que t'es pas capable de te calmer, toi, pis t'es pas tch. Moi, je suis tch. Ça veut dire quoi, ça? Voyons donc, mets des mots, ben non! De la misère à partir. Un onomatopée, l'onomatopée, l'été, les ha, ho, ri, l'onomatopée. Oh, fatigué, moi, là. Les onomatopées. Fatigué, tu fais ça, cette affaire-là? C'est quoi, cette affaire-là? Non, mais c'est d'expliquer, d'essayer de rendre votre propos intelligible. Tu viens de dire là, tu vois, là, le propos intelligible. Non, pas intelligible. Intelligible. Intelligible. Pas gleu. Bleu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, tes mots qu'on comprend pas? Sois donc serein. Sois donc au même type azon que le peuple. Arrête de le brouiller parce qu'il ira jamais loin. Il voudra pas faire des formations institutionnelles. Depuis que l'université est rendue comme un supermarché, comme disait Sylvain, du savoir, quoique, on m'a appris il n'y a pas si longtemps que tu n'as même pas, on t'oblige même pas de finir ton cégep pour aller à l'université. Ça dépend des années, puis de ton âge, puis n'importe qui peut aller à l'université. J'ai rien contre. Mais qu'on délivre pas de... Ben, on pourrait délivrer. Non, après une réflexion de 5 secondes, on peut délivrer. Mais est-ce qu'on peut former des gens? Tu sais, former des gens, ça veut dire, là, tu sais, les bâtir, là, les rendre fonctionnels dans une société qui doit quand même aller plus haut, plus loin. Si t'as pas eu... soit une formation, ou bien, ça c'est intéressant, ce que je, non, c'est intéressant, là, c'est, ou peut-être une brochure que tu dois remplir avant d'entrer à l'université, pour savoir, tu sais, ta connaissance générale, les connaissances que tu as, est-ce que c'est convenable pour notre université de te proposer des cours? Mais bon, dire, hey, moi, là, écoute, il n'est pas secondaire, moi, à l'université. Les professeurs là, doivent lire des textes, des comptes rendus bourrés de fautes. Bourrés de fautes, je te dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux intervenir? Intervenez, monsieur. Le professeur que j'avais, moi, en toxicomanie à l'université, je crois qu'il avait vraiment vécu tout ça. Puisque son langage était assez limité, pour ne pas dire basic ou élémentaire. Il n'y avait pas Watson, tu sais, Columbus et puis Watson, ça n'a rien à voir, ça, là. Columbus et Watson, c'est pas la même affaire. C'est pas dans le monde judiciaire, oui. C'est la même affaire. T'as bien raison. S'approcher de la balustrade et vouloir soudain remonter sur l'estrade. Je crierai. Oh. n'en aurai jamais assez. J'aime plus la vie que le passé. S'effondrer, oh oui, l'idée m'a parfois mordu les pieds. Tant que je pourrais continuer, je crierais au grand vide de l'éternité. Chahuté, je crierai encore, encore. Si vivant, survivant, bien vivant, explosant, implosant, enivrant, enivrant. J'aime la nuit avec toi, parfois je m'aime aussi. Encore, encore, encore, encore, encore, encore. J'aime la vie, j'aime la nuit avec toi, parfois. Je m'aime aussi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la musique. Non, mais moi, là, je vais vous dire une chose. Je dis jamais le nom du chanteur. Règle générale, là, vous saurez jamais qui chante. Parce que je préfère que vous m'envoyiez un courriel pour que je puisse vous répondre. C'est ça l'interaction. Cette émission n'est pas unidirectionnelle, madame... Madame qui? Madame Bibelot. Oui, OK. Juliette. Juliette Bibelot. Connaissez-vous Juliette Bibelot? Rien à voir avec Juliette Gréco. Quoi, qu'est-ce que c'est, Juliette Gréco? Et puis, donc, l'intérêt, c'est que vous m'écriviez à Arenal Québec, à commercial, hotmail.com. Je vais répondre à tous mes courriels. Soyez comment? soyez prêts à attendre peut-être un peu, mais pas tant que ça. Ça veut dire ça, là, à taper un peu et pas tant que ça. 2 ans, 6 ans? Moins d'un mois. Un mois et demi? Non, moins d'un mois, c'est pas un mois et demi. Un mois, 30 jours, en deçà de 30 jours. Comment ça, t'es en demande? Non, mais parce que je vais pas voir souvent mes courriels. Parce que moi, dans ma case, là, quand je vais voir, c'est sur Autolamail ou courrier chaud. Quand je vais voir mes courriers chauds, ils sont pas si chauds, c'est juste des courriels. Ça me pourrit tout mon espace, ça, ces courriels-là. Il y a un docteur qui veut me faire des affaires. Il y a une dame au bout du monde qui veut que je l'aide dans sa vie, puis si je veux l'épouser, puis que Dieu m'aidera, puis vous êtes un être extraordinaire. Ben, même, je l'ai jamais connu, moi. Mais elle m'invite à la marier. Hey, si je marie toutes les pourrielles que j'ai, mon Dieu Seigneur, m'a travaillé jusqu'à 500 ans. Moi qui veux prendre ma retraite à 55-56, ben, disons, pour être honnête, 58. 58, c'est un bel âge. Encore conscient de la vie, un peu conscient. Quoique, quand je vois... c'est pas gentil. Quand je vois mon Iggy Pop, là, je trouve que c'est très courageux. Puis, il est une... il est l'icône. Il est l'icône d'une génération. Donc, à cet âge-là, oui. Pour la compréhension des livres que je vais lire, des disques que je vais écouter, des films que je vais regarder, du théâtre que j'irai voir. Quoique le théâtre, si t'es à ta retraite très jeune, t'as pas les moyens financiers. Mais en tout cas, c'est pas grave. Actuellement, ça va bien. Après, ça va aller mieux. Ça, c'est ma doctrine. C'est un peu comme mon ami Camus, qui sentait pas du tout le Camus, lui. Ah, lui, il sentait l'Albert, lui. Albert sentait pas le Camus parce qu'il avait entendu la chanson que je vous ai... Ben, je vais pas chanter la chanson encore, mais je vous ai parlé de... Je vous ai parlé de M. Leclerc. Ben, il a fait une chanson, lui, ici, avec ça. Vous en rappelez pas? Ah, ben, ça tombe bien, parce que moi non plus. Sinon, moi, mon petit dernier, ben, il va pas très bien. Ben, il va pas très bien. C'est qu'il a perdu, puis ça me dérange un peu, son cahier de notes. Son professeur a dit, c'est parce que c'est lui qui s'est arrangé pour que jamais je ne trouve ses écrits qui pourraient l'amener un peu plus haut, un peu plus loin. Je dis, hey, Jean-Pierre l'a chanté, puis il n'y avait pas de cahier, lui, là. Il l'a perdu. Tout le monde peut perdre des affaires. Moi, j'ai perdu la tête en 78, en 83, en 2001, en 2018, 2019, 2020, et puis jusqu'à la vitam perpermanente. Moi, je vais mourir, on m'a dit, en 2023. Donc, il me reste encore 3 ans de belles années. Pourquoi 2023? C'est une voyante. Mais une voyante, elle ne voyait pas grand-chose parce que ce qu'elle voyait, elle, c'est mes billets. Hein? Ça va coûter 150$. Pardon? Ça va coûter 150$. 150$ pour, ben, pour votre vie, pour que je puisse voir ce qui va se passer, trépasser. OK, moi, ben, vous allez trépasser. Pas besoin d'une voyante pour ça, moi, là. Quand tu viens au monde, c'est pour trépasser. C'est quoi le lien, là? Peux-tu me dire un âge? Ah, un âge très jeune. Très jeune. Comme André? Ah, non, ben André le jeune, il n'est pas si jeune que ça. C'est pas parce que tu t'appelles le jeune que t'es jeune. C'est pas parce que tu t'appelles Gagné que t'as gagné. Moi, Rénal Gagné, j'ai rien gagné. Puis plus ça va, puis moins je gagne. Alors, j'aurais dû me faire changer de nom et rester... Moi, mon prénom me convient très bien, Rénal. Mais Gagné, là, ce serait... J'aurais préféré Rénal presque perdant. Parce que dans le presque, là, tu travailles toute ta vie pour pas l'être. Tandis que Gagné, on dirait que tu te ramollis. Tu dis, oh, ben écoute, j'ai pas gagné, là, mais mon nom, c'est Gagné. Donc, à un moment donné, j'ai gagné rien, mais mon nom. Hein. On se rattache à si peu de choses dans la vie. C'est presque merveilleux. Tellement de choses qui sont sorties sur le rock and roll. Hein? On nous fait croire des histoires à bracalabrante et puis on ne sait même pas à quel saint se vouer, quoique moi je le sais. Alors donc, l'essence du rock and roll, la genèse, le début de cette version anarchique et énergique de la musicalité qui a débuté à un moment précis jusqu'à maintenant. Bon. Tout le monde se pose des questions. Tout le monde croit tenir la vérité. Mais moi, quand je la tiens, la vérité, Gaétan, là, je la lâche pas. C'est un peu comme un certain matin. En 1979, je m'en rappelle très bien, 79, le 12 juillet 79, j'étais sur une barque au milieu de l'eau. Mais je te conseille que si tu es dans une barque, là, si tu n'es pas dans, entouré d'eau, il y a un problème. Parce que je connais Simon, le meilleur, qui a vécu des moments très difficiles parce que lui, il était dans une barque, mais sur des nuages. C'était un grand poète, et puis, mais les mots, malheureusement, dans son cas, ont transcendé l'être. Et quand ça transcende l'être, ça a l'air fou, mais tu peux te retrouver n'importe où dans ta barque. Entre n'importe quel mot, n'importe quelle structure langagière. J'aime ça, la structure langagière. C'est pour les gens qui me connaissent. On me connaît. On connaît mes tics narratifs. Ça fait partie de mes tics. Non. Trouvez l'erreur, monsieur Gaétan. Et vous comprendrez votre vie de couple. Non, mais c'est méchant, ça, là. C'est méchant. Non, mais il comprend. C'est un imbécile heureux. Là. Il l'a marié. Mais lui, ce qu'il voulait simplement libéré de sa bouche, c'est « Ah, comme tout le monde, oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux. » Là, le curé a dit « Écoutez, monsieur, là, cessez de répéter, nous avons compris. Votre dame semble un peu perturbée. » Ben là, c'est pas l'homme que j'avais rencontré là, il y a 3 ans et demi. Il me semble qu'il s'appartient plus. Le curé là, s'approche de la dame. Voulez-vous continuer le processus? Là, la dame a dit processus, ben, du mariage. Ben, ça a coûté cher. Mon père a payé beaucoup de sa personne. Il a travaillé pendant des années et des années et des années pour s'offrir en spectacle. Richard Desjardins. Coûte cher, Richard Desjardins, là, c'est pas... Faut que tu déplies. Puis il veut pas n'importe quel piano, lui. Pas de piano électronique. Que de la queue. Il veut que de la queue. Richard, il peut pas jouer sans un piano à queue. Et il sent mal à l'aise. Puis quand il sent mal à l'aise, il peut pas chanter « Tu m'aimes-tu » avec autant d'émotion. Et puis les Yankees et puis toutes ces chansons populaires. Puis en même temps... Ben, populaire. Dans le cas de Richard Desjardins, je ne sais pas si on peut appeler ça populaire. C'est pas parce que c'est pas pas populaire. C'est pas parce que c'est le... On va leur dire. C'est pas parce que le Saint-Bannière est mort. Ce n'est pas parce que ce n'est pas populaire que c'est pas intéressant. Bien au contraire. Ça peut être aussi populaire intéressant. Non, non, non, non. Mais tirez pas. Non, non. Moi, quand on les verres du nez, là, moi, je mets pas ça dans le nez. Moi, c'est dans la bouche, les verres. Mais c'est pas de terre. C'est du liquide. Non, c'est de l'eau. De l'eau venant des rochers d'Amos. C'est l'eau la plus pure au monde. Une des plus... Attendez, je vais recommencer. C'est une des eaux les plus pures au monde. Pas pire, là. Je parle de Richard Desjardins puis d'Amos, là. Sans le savoir, j'ai fait des liens. Je suis un génie. Alouette, gentille alouette, alouette, je n'ai plus meuré. Je n'ai plus meuré. Je suis un demeuré qui ne demeure partout. Alors, c'est ça. Et tu peux, est-ce que tu peux être un demeuré, ça va bien, toi? Oui. Ah oui, moi, je patauge dans la saucisse. La saucisse, on ne peut pas la nommer. Mais faites maison, tiens, faites maison. Et puis, quand c'est fait maison, c'est tellement meilleur parce qu'on peut mettre notre signature, notre facture, notre façon de faire. Et surtout, notre talent de cuisinier. Elle ne savait pas, moi, là, que je pouvais faire le spaghetti aussi incroyable! Non, attends, je recommence. Oui, je sais. Parce que quand tu pars là-dessus, mets pas de frein. Quand tu mets les freins, là, les gens s'en rendent compte. Fait que glisse. Alors, mon spaghetti, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est al dente. Al dente, oui. Adorno n'a pas la recette. Non, parce qu'elle connaît, là. Elle connaît la supercherie. Une grosse entreprise là, va prendre tout ça, puis ils vont en faire des petites sauces en canne ou en pot, puis ils vont appeler ça de leur manière, puis ça sera sa recette à elle. Elle n'aura pas une maudite scène. Ça, on peut pas dire ça, on peut pas dire sa recette, mais al dente, c'est la cuisson de la pâte. Moi, je peux te le dire, là, parce que j'ai commencé à faire ça à l'âge de 11 ans. Tout le monde le sait, bon, l'autre, il me dit 12 ans, ben 11-12 ans, disons, dans cette zone-là. C'est pas tant que j'étais à Port-Cartier, moi. Port-Cartier. Où est Port-Cartier? Excuse-moi si je joue avec la marble. Port-Cartier, oui, j'appelle ça marble. Marble, là, ça c'est, une prononciation amoureuse de mon micro. Parce qu'au début, je l'appelais Shure SM58. Personne ne connaît ça. Personne ne trouvait d'analogie intéressante et humaniste là-dessus. Fait que j'ai dit, bon, on va oublier le numéro du modèle, puis on va lui attribuer un nom. C'est beaucoup plus intéressant, puis ça rentre dans ma ligne humaniste que j'essaye de frayer depuis belle lurette, depuis tant de temps, et puis bonjour. Je vois ça. C'est intéressant, là. Mettre au monde un enfant, c'est beau. Les femmes ont cette belle faculté-là que moi, je suis pas capable. Moi, j'ai essayé de faire des enfants, là. C'est bien beau les placer dans ton esprit, mais là, par où ça va sortir? Tu sais-tu? Puis, sans blague, on va du coq à l'onde. C'est pas à l'âne, c'est à l'onde. C'est pas à Londres, moi là, je suis pas allé en Angleterre, jamais été en Angleterre. Non, pas cet endroit-là. À Londres. Bon. Alors, j'ai toujours été. Est-ce que j'ai déjà été à Londres, moi? Je suis un être si éclairant selon mon épouse. Elle me dit, moi, j'ai jamais rencontré un sourire légendaire que, parce que, à un moment, mais le pire, c'est que c'est vrai. Il y a un. un individu, on ne dirait pas journaliste, qui écrivait, un chroniqueur. Oh oui, c'est ça, lui, il se définissait comme un chroniqueur. Jean Gravel, dans le journal de cette ville. Bon. C'était mon client. Alors, je travaillais dans une petite épicerie du quartier, comme ça, là, à côté de CKRL. CKRL était là, puis moi, j'étais là, puis on était, hein, on se parlait. Puis, hey, comment ça va, toi? J'attendais mon autobus le matin parce que je travaillais une nuit, puis je parlais à CKRL, tu sais, c'est un édifice. Puis je disais, hey, avant ça, t'étais une banque, toi, hein? Oh, c'est... Puis hey, Jean Lapointe te disait, hey, toi, t'es loyal. T'es loyal. Puis hey, il y a CKRL qui est là. Puis notre directeur général est dans la voûte. On l'a placé dans la voûte! Hey, ça, c'est merveilleux! Tu vas le voir, là, il y a comme la grande roulette là, pour ouvrir le coffre-fort. Il est dans le coffre-fort! C'est notre joyau! Denis Fortin, hey, on peut pas le sortir de là parce que il est tellement beau! Tu veux prendre des photos? Et puis, des selfies! Tout le monde, les femmes veulent avoir des selfies avec notre ami. Puis tout le monde veut se prendre en photo. C'est la voûte d'une banque. C'est CKRL se trouve là. On peut pas l'inventer, là. La radio communautaire la plus aimée dans la francophonie, c'est CKRL. Se trouve dans une ancienne banque. On voudrait demander au plus grand scénariste. Là, on te demande une petite histoire, là, tu sais, pas trop banale, là, mais avec beaucoup de. Ouais, c'est ça, de twist. Là, t'sais, de... Je voudrais que le public là, soit comme interpellé, puis tu sais, que ça rentre dans. Ouais, dedans. Pas à côté, dedans. Si vous êtes un scénariste, vous connaissez. Écrivez pas à côté du papier, juste sur le papier. Puis je sais que votre grand plaisir, vous, c'est d'entrer en transe. Hein? Fait que rentrez là, rentrez vous-même en transe. Je ne sais pas comment vous faites ça, là. Comment ça fonctionne, vous? Mais rentrez-vous en transe du lundi au dimanche ou s'il y a des jours particulièrement favorables à ce genre de pratique? OK. Je prends des notes, moi, là. D'accord. Alors, pouvez-vous nous raconter une petite histoire de même? Tu sais, une radio communautaire extraordinaire, là, que tout le monde aime, puis hein, on s'y rattache, puis on noie là-dedans. Non, on s'y noie pas. Non. On lève la tête, puis là, on observe. Qu'est-ce qui va se... On sait jamais ce qui va se passer. C'est ça, le côté intelligent de CKRL. Tout le monde a son grain de sel. Ben, je te le dis, moi. C'est tellement excellent. Quand je s'intonise, là, je dis, oh, à quoi dois-je m'attendre? Puis tu te laisses aller. Il faut se laisser aller, tu sais. Les freins, c'est beau, là. Tu sais, Alain Bachung, c'est comment qu'on freine. Je connais ça aussi. Mais c'est comme un moment de bonheur. Une tisane. Même si c'est rock'n'roll, on a des émissions rock'n'roll, là. Moi, j'entends des musiciens là, qui t'approchent. Ça t'approche sa batterie, ça t'approche sa guitare, ça t'approche ses mots, ça t'approche partout. C'est presque du punk rock. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, lui, là? Ben non, c'est un hommage à CKRL sans savoir. Ah oui, c'est ça. Ah oui, la voûte, puis M. Fortin, ben voyons donc. Si on voudrait demander à ce gars-là d'inventer dans sa tête là, de créateur un endroit inusité pour raconter une histoire d'une radio québécoise. Et là, le gars, t'as un peu, là, moi, là, selon moi, pour être rigolo, puis, tu sais, tenir la route, là, tenir le public, faut tenir le public. Non, pas le tenir par la cravate, là, parce que c'est pas tout le monde qui porte des cravates. Le tenir par l'intelligence du propos. Le tenir aussi par l'intérêt que ça donne. Et particulièrement par les anecdotes qui sont savoureuses. Donc, on va placer une certaine radio communautaire dans une ancienne banque. Ouais, mais là, t'as rien inventé, là. Comment ça? Là, ça vient de ma tête. Mais non, c'est la vérité. Hey, la vérité! C'est quoi ça? La vérité, ben, c'est l'histoire véridique. Non, mais je sais, tu me dis ça le même, là. Mais je sais pas comment réagir. Mais écoute, selon moi, là, tu devrais prendre une pause. Ah ouais? Aussi loin que voit ton cœur, et aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est âme sœur sur le tarmac des vauriens, aussi fort que soit l'amour sur ces chemins aller-retour, aussi faible que soit la force. Sans détour, car tu me plais. Mon amour vient comme je vais. Tu es mon point de non-retour. Partir à 3h15, moi ça me dérange pas, mais là, l'émission est bien entamée, puis 3h15, me semble, c'est une heure un peu disgracieuse. J'aime ça le mot disgracieuse, ou disgracieux, parce qu'il y a disgrâce. Puis moi, j'essaie de perdre au moins 2-3 graisses, mais je suis disgrace, tu sais, disgracieuse, c'est moi, ça n'a rien à voir, mais ça me fait glisser là-dedans, moi. Andy, j'ai hâte. Comment? J'ai dit Andy se hâte. OK, ben tu dis se hâte. Mais faut, quand tu vois l'accent circonflexe, tu dis ah. OK. OK. Andy se hâte. Andy se méfie. Andy se hâte. Il rentre chez lui. Andy a toujours évité les ennuis. Andy se hâte. Se méfie. Chou. Là, c'est pas parce que je veux que vous me garochiez le chou. Je veux pas avoir de chou. J'aime pas ça, le chou, moi. Le chou, c'est loin. Ben, s'il y a pas de Louis de Finesse, pis s'il y a pas Villerette, le chou, ça a pas d'importance, là. Pis c'est pas bon pour l'organisme, selon moi, là. Moi, ça, quand j'en mange, là, il me parle, pas le chou, mais l'intérieur de mon corps. Comment dire de moi, les autres, oui. Hey, tu sais ce qui va arriver, toi, là, tu te mets des complications, là. Hey, comment c'est? J'ai juste mangé un chou. Ben, t'as mangé un chou. Ça sert à quoi, un chou? Ben, c'est comme une salade, là, ça se mange. Ben, non, hey, écoute, là, va voir des indications sur le chou, toi, là, là. Ça fait pas juste ça, là, hein? Ça fait travailler ton organisme. Organisme. Organisme! Ouais, mais y a pas de musicien d'organisme. Non, non, non, pas cet organisme. Non, non, non, mais la structure interne de ton corps. Et monsieur, vous avez fait des hautes études, vous, à votre voix, on dirait pas, hein? Surtout à votre vocabulaire. Qu'est-ce que mon vocabulaire? Mon vocabulaire est tout à fait bien de ce monde. Et je n'ai fait aucune faute depuis le début, là, depuis que vous me faites... Faut pas me faire prendre... Quand j'ai conscience de mon état, ça me dérange. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais le chou! Penses-tu de manger du chou jusqu'à la fin de tes jours, toi, là, là? Oui. Ben, OK. Je te conseille de... Prends des notes, OK? Ben, là, non, mais on est devant un clown, là. Un clown qui sait pas ce qui va arriver. Moi, t'as dit ce qui va t'arriver. Toi. Prends des notes, là, ce que... Pas des accessoires, mais des choses qu'il te faut. Si tu manges du chou, une vitam pepperman. Vitam pepperman... Avec la Pepperman? Ben non, c'est une expression que Rénal Gagné a lancée à son émission Errant Sénadienne. T'es quoi ça, Errant Sénadienne? Qu'est-ce que c'est ça? T'es-tu un humain? Ben, un humain, non, là. J'étais... Ben, pas vraiment, mais c'est un organisme. Et monsieur, ça mange quoi en hiver? Ben, ça mange pas de choux, en tout cas. Parce que les choux, ça fait chercher les... T'sais, ça chatouille l'intestin. Sais-tu ce que c'est qu'un intestin? Ben, pas vraiment, là. J'ai pas d'études en médecine. Ben, pas besoin d'études en médecine. C'est un intestin. Tu sais ce que c'est qu'un intestin? Ben oui, c'est une poche, là. Une poche. T'as l'air d'une poche, toi. Attends un peu, toi. M'a pas te laisser aller de même, toi, là. M'a appelé la police, ils vont t'embarquer parce que t'es un trouble public, là. Il y a un problème dans ta tête. Oui, j'espère. Sinon, il rentre dans... Non, là, on veut pas rien savoir dans l'errance canadienne, là. Le chou, on va revenir au chou, là. C'est pas parce que ton ancienne copine te disait « Hey, mon chou! » C'est pas ce chou-là, là. C'est le chou, le légume. Tu connais ça, des légumes? Tu fais partie des légumineuses? Non. Ben, on me l'a jamais dit, mais je te le dis, moi. Moi, là, d'après moi, rapidement, comme ça, là, parce que... Pas comme ça, comme ça, comme ça. Moi, d'après moi, comme ça, là, tu serais entre... Eh, monsieur, ça demande une réflexion, là, parce que c'est pas parce que... Non, non, attends un peu. Toi, tu te trouverais entre... Ouais, la patate. T'aimes pas trop ça, la patate, toi. Toi, c'est spaghetti. Toi, t'es bloqué sur le spaghetti. Il y a pas de... Ah, la tomate. T'aimes ça, la tomate? Mais pour mettre sur le spaghetti, oui. OK, la tomate. OK, la tomate. Moi, je te place... Non, excuse-moi, je ris parce que tu me fais rire. T'es un imbécile heureux. J'espère. La balade... Non, c'est pas ça, la balade-là, là. Attends un peu, là. Laisse-toi séduire par mon propos. C'est pas séduit toutou, là. De toutou, ouais. T'as l'air de toutou, toi. Fait que moi, je te dirais entre la tomate et puis la sauce tomate, mais ça, c'est ce que je donne la tomate. La tomate, là, elle fait plein d'affaires assez pétées. Tu sais, surtout si elle pète, là, elle te donne du jus de tomate. Puis si tu places ça avec plein d'ingrédients, ça peut donner du jus de légumes. Ça, tu préfères le jus de légumes au jus de tomate? Ben, pour moi, là, mon organisme rejette un peu le jus de tomate parce que c'est un peu acide. T'as l'air d'un acide, toi. Un acide mal digéré, mon champion. La jolie petite farandole comptez comme une parabole la vie dont on a rêvé une nuit. La jolie petite gaudriole qu'on attend comme une obole, la vie dont on a rêvé, elle s'enfuit. Mais tu vas l'aimer. montagne de bagnole. La vie dont on a rêvé nous poursuit. Dans le train qui fonce et qui suit, le cortège de nos envies. Partout où le monde abonde, elle s'enfuit. Pour la vie. Aujourd'hui, le lundi 20 janvier 2020. Il va falloir s'habituer à ça. Puis en plus, c'est 20-20-20. Je te l'ai dit depuis le début, mon champion. On s'en va vers des chiffres gagnants. Mais moi, écoute. Ouais, exprime-toi là, mais très légèrement parce qu'on a déjà dépassé le temps. Ouais, mais moi, mon champion, vas-y. Moi, mon champion, c'est que le vin, ça se cultive, là, mais ça prend du temps, là. Une fois que tu l'as pris dans les champs, tes amis dans un panier, tu l'as envoyé dans le gros camion, puis qu'il part pour se faire malaxer, comme disait Alain Bachung, il malaxe. Malaxe. C'est pas mal. En tout cas, on dirait que c'est Bachung. Hein? C'est vrai, on dirait que c'est mal. Non, ferme tes yeux, madame. Fermez vos yeux, madame. Oui, vous allez. On croirait même que c'est le côté ressuscité de Bachung qui arrive. Malam. Mais selon moi, pas vraiment. Mais en tout cas, ça te prend de l'imagination. Aujourd'hui, et puis le vin, ben c'est ça, ça prend du temps, puis ça malaxe. Et, le vin du vin, selon moi, c'est une de mes émissions les plus quoi? Les plus vertigineuses, non, vertigineuses, en tout cas. On voulait faire un jeu de mots, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ça tombe à plat. Quand ça tombe à plat, hein, faut pas l'ouvrir, le plat. Il faut le laisser aller comme ça, puis on passe à autre chose. Si tu t'arrêtes, les gens vont se dire, mais voyons donc, oui, qu'est-ce qu'il vient de dire là, ça n'a pas de bon sens. Non, non, ça a du bon sens dans la mesure où on ne s'y attarde pas. Quand il y a un arrêt sur image, tu sais, t'essayes de voir de la granuleuse. Hé, hey, où la granuleuse? Ah oui, hey, t'as-tu vu ça? Comment ça qu'ils ont fait un gros plan là-dessus, puis ils l'ont arrêté? Ben, ouais, il a du poil dans le nez, lui. C'est pas très chic. Lui qui a le sex appeal, là, il y a comme... Ouais, pas sûr que c'est juste du poil, ça. C'est ouais, de la malpropreté, hein? C'est pas normal pour un artiste aussi connu et reconnu qui fait des films aux États-Unis, qui est dans le box-office depuis des années. Comment on doit prendre ça? Est-ce que c'est une injure devant son public? Mais non, il savait pas qu'il était ajouté DVD, puis 4K, puis 8K, puis lui, il en fait pas de cas. Mais depuis que la précision nous revient en pleine gueule, les pauvres protagonistes à la télé ou au cinéma, 7e art et toutes les autres facultés qui n'en ont presque plus. essaye de se libérer, ben non, l'image est trop claire. Si t'en as un petit poil au niveau du nez, on va te le voir, mon champion. Anciennement, c'était pas ça, là. Ça pouvait passer à travers le burlesque, à travers les rigolements. Ben, voyons donc, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a au niveau du nez? Bon, ça doit être un cancer nasal. Ça existe-tu? Non, ben on vient de l'inventer, un cancer nasal. Mais ce poil-là, là, c'est cancérigène. Il reste plus grand temps à vivre, il me semble. Ah, non? Bon, pas grand temps. 25 ans, c'est pas beaucoup, là. Quoiqu'en prison, ça peut être long. Mais pour une vie d'homme, 25 ans, surtout quand t'en as 55, ça peut te faire finir à 80 quelques années, hein? Mais c'est pas normal, ça. Non, j'aime pas ça. Puis, vous non plus, madame? Non, on est les deux. Là, il y a une spectatrice qui est venue voir ça, là. Non. C'est pas beau, hein? D'après vous, comment ça... Ouais, ça dégénère. Exact, ça dégénère. Vous aviez le bon mot, vous dégénérez. OK, c'est pas la photo. C'est moi qui ai dégénéré. Ah! Vous avez le droit à votre opinion, madame. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. Oui, je sais. Mais c'est normal, ça me déchire le cœur. Ça va sortir, là. C'est comme un... Ouais. Mais au niveau narratif, appelez pas l'ambulance. Non. OK. Fait que... Oui. On vous laisse, madame. Bravo. OK. Vous êtes merveilleuse. Scintillante en même temps, hein? C'est quoi? C'est du rouge naturel, vos cheveux? C'est... Non, c'est... Mais j'espère, hein? J'ai jamais vu quelqu'un avec ça. Ah, vous vous dites que vous êtes une rousse, hein? Parce qu'on sait ce que c'est. Ah, les rousses. Qu'est-ce qu'il y a, les rousses? Ouais, ils sont... Ben oui, ils sont pas majoritaires, je sais bien, là. C'est comme les erreurs rénaldiens, ils sont minoritaires, mais puissants! Restons roux et puissants, et errants et puissants. C'est à peu près l'histoire qu'on voulait dire hein, ce soir. Ce soir, au rythme de la messe. Oui, c'est le vin du vin. J'aime ça dire ça, moi. Je pourrais faire une émission de 5 heures sur le vin du vin. Mais à un moment donné, c'est comme le Bourjolais nouveau, hein? On nous envoie de la schnatoz, puis on nous dit que c'est de la bonne... un élixir incroyable pour des bouches frétillantes de nouveautés. Quand tu goûtes ça, oui, Yada, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas réussi, ils nous l'ont charroyé jusque chez nous! Ça fait penser à certaines bières mexicaines, là! C'est pas buvable, t'es obligé de mettre des zestes de citron. Pas parce que c'est pas buvable, mais uniquement pour éloigner les mouches! Parce que ça amène la mouche, ça, c'est... Tu sais, tous les numéros 2, ça amène la mouche. Là, cette bière-là, ça amène la... Ah, mon Dieu! Mais au moins, le vin du 20 janvier, il n'y a pas de mouche. Il n'y a pas de mouche. Puis il y a mon ami incroyable qui travaille très fort depuis Belle Lurette. Puis quand je vous dis Belle Lurette, là, c'est un auteur, compositeur, interprète... Non, pas auteur, mais interprète, musicien, Renaud Bernal, qui nous fait vivre des sensations assez uniques depuis quelques années avec son album, son premier album, son premier opus, qui s'appelle « Sur le fil ». Et par la suite, ben, il a rencontré quelqu'un d'extraordinaire pour un artiste et puis pour tout humaniste, Boris Bergman. Boris est en train de faire de Renaud... j'allais dire qu'il est en train de faire de... Non. Renaud a trouvé en Boris un être qui pourrait l'amener un peu plus haut, un peu plus loin, à la manière de Jean-Pierre Ferland. Et ce soir, ben, je vous présente la première partie. Vous allez voir, on va avoir du beau plaisir, du grand plaisir. Ouais, exactement. Renaud Bernal, c'est un de mes amis, un être que j'adore. Et puis, à chaque fois, il me dit « Oui, on va se voir. Oui, je vais faire tes concerts underground sur un banc public. » Donc, maintenant, je vous propose l'être très ouvert, très rock and roll, très nord-américain, Renaud Bernal. Bonne soirée. Descendu d'une légende corsaire, venant d'un toc d'où rien ne part, craché par un navire de guerre, dessiné par l'éclat du phare, déesse sculpté au vent contraire, je l'ai suivi en clandestin, son corps appelait au temporaire, l'éternité jusqu'à demain. J'ai pris sa main sans trop y croire, la pluie, le vent, tout était là, dessin de brume fait de mémoire, un courant d'elle entre mes doigts, je la voulais en équipage, perdre le cap quand la mer mord, deux ou trois jours d'un long voyage, touchait vraiment sombrer encore. Moitié de cuir, moitié brouillard, j'ai vu cette fille au bout d'un soir, j'ai vu cette fille chercher son âme, voguer à mer à fond de l'âme, moitié marquise, moitié polar, j'ai vu cette fille hantée en boue, silhouette maltaise tracée de noir, m'offrir la vie de ses faux bouts. J'ai caressé ses idées noires, ma passagère intemporelle, les laisser là où rien ne part, j'ai lu en boucle à travers elle, elle a visité au hasard, baladé en hésitation, tous les chagrins et territoires, depuis Hambourg à ma chanson. Moitié de cuir, moitié brouillard, j'ai vu cette fille au bout d'un soir, j'ai vu cette fille chercher son âme, voguer à mer à fond de l'âme, moitié marquise, moitié polar, j'ai vu cette fille hantée en boue, silhouette maltaise tracée de noir, m'offrir la vie. Je t'ai écrit une drôle d'histoire, une fresque étrange, une illusion. Moitié marquise, moitié polar, douce comme Hambourg à sa façon. Moitié brouillard, j'ai vu cette fille au bout d'un soir, j'ai vu cette fille chercher son âme, voguer à mer à fond de l'âme, moitié marquise, moitié polar, j'ai vu cette fille hantée en boue, silhouette maltaise tracée de noir, m'offrir la ville et ses faubourgs. L'artiste. Hey, salut. On reste ici à l'intérieur? C'est comme tu veux. Comme tu veux. Parce qu'il y a de la musique. Il y a la musique. Ouais. Tu vas bien? Ah oui, toi, hey! L'année dernière, on s'est pas vu, mais là, on se voit. Ouais. La vie est comme ça. Tu vois ta... ton élixir. Il est là. Tu lui as dit bonjour. Sinon ça va? Super bien. Excellent. Attends, je cherche ma guitare parce qu'elle est dans la voiture et j'aime pas la laisser. Mais la porte est pas barrée. Si. Si, mais il y a des règles. On laisse pas la guitare dans la voiture. Ok. Merci à vous. Règles internes. Voilà. Et le nombre de musiciens qui se sont fait piquer leur guitare en la laissant dans la voiture. Il faut la couvrir, mettre un drap. Oui, mais même je prends pas le risque. Ah ouais. La vibration, hein, on sait jamais. Il y a des gens qui sentent qu'il y a une guitare. Voilà. Vous avez tout de suite. Mais vraiment, ta voiture est pas loin. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est merveilleux, bien. C'est rare. Il y a personne dans Paris. C'est... Non, ils sont tous à Avignon. Bah, ouais, bah. Attends, je fous de ça comme ça, en travers. Tu pourrais la mettre comme ça aussi, non? Ouais. Tu vas te sentir plus ça à l'aise. Ça te dérange pas? Non, ben non. Parfait, ça. Cool. Ah, ça fait plaisir de te voir. Benoît Bernal, on dirait que c'est une amitié qui se... Ça va faire... 6. Eh oui, ça va faire près de 5 ans. Ben oui, 5 ans exactement. Avec ton premier opus jusqu'à Bergman, on avait parlé de Bergman il y a 2 ans. Tout à fait. Et à travers ça, ben, je te diffuse assez régulièrement. C'est génial. Oui, sur 2 réseaux en plus. Donc ça, je t'en parlerai après parce que je ne veux pas emmerder les gens l'entendent assez souvent. Bon. J'ai autant de plaisir à t'écouter aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Je trouve que tes chansons vieillissent bien. Merci. Et c'est vrai. Puis le fait d'avoir redigitalisé ton premier opus. Ouais, bah ça c'était ça vachement. Ça lui a donné plus de. Ouais, ouais, il y avait plus de corps. Ouais. C'était intéressant. S'il fallait le faire, parce que c'était trop entre deux, si tu veux, de pas avoir. J'ai travaillé, s'il vous plaît. Merci. Oui. C'était trop entre deux, si tu veux, et ça servait à rien, en fait, parce qu'on pouvait découvrir les chansons, bien sûr, mais on n'y avait pas le plaisir pour les écouter. Et okay. C'est une connerie, quoi. Donc c'était bien d'avoir tout refait. Et j'ai pas fini le deuxième. J'ai toujours pas fini le deuxième, je traîne. Mais là, Boris, as-tu terminé, est-ce qu'il a terminé sa part des choses, lui? Est-ce qu'il a terminé ses chansons? Est-ce qu'il a terminé les paroles? Pour le deuxième album, oui. J'ai fait aucun texte. Non, je sais, mais c'est Boris qui le fait. C'est Boris qui fait tous les textes. Oui, et en fait... Est-ce qu'ils sont terminés? Toutes tes paroles sont terminées. OK, bon, il reste juste la musique. Alors, les musiques sont faites. OK. Et maintenant, il faut que je réalise un peu, si tu veux. Donc ça prend un peu de temps. Et entre-temps, j'ai racheté du nouveau matériel. Okay. Donc j'ai refait les prises guitare et les prises chant. Parce que j'ai acheté un nouveau micro. OK. Et c'était quand même mieux. Et donc, on est à près de 15 chansons. Et chansons. Ouais, et Boris m'emmène dans tout ce qu'il fait. Donc, tu mets en pause l'album. Il y avait Lio qui voulait faire des chansons. Lio? Ouais, elle voulait faire un album à moi avec Boris. Je sais pas si ça va se faire ou pas, mais il y a 2 chansons, si ça se fait, et qu'elle, à moi. Comédie musicale, hop, des pièces de théâtre, un petit coup de guitare. Il me demande un coup de guitare, Boris, et on y va, quoi. Et donc, c'est je vis un rêve. Ah, c'est de la magie. Boris, il t'a pris sous son aile et on est très, très, très copains. Ouais, ouais. Et il m'emmène partout. Il m'emmène, Est-ce que ça s'est tissé tranquillement, cette amitié? Ça a glissé tout doucement. Tu vois, et on est vraiment très copains. Alors, tu es souvent à place Montmartre? J'y suis 3 fois par semaine. On 2 fois par semaine quand on travaille et puis on est aussi au téléphone, je l'ai eu au téléphone un quart d'heure avant que tu arrives. Et là, il va y avoir pour le centenaire de Boris Vian. Oui. On en parle beaucoup. Hein. Et donc il a fait des chansons et on va les jouer. On va les jouer au théâtre du Moulin Rouge. Donc c'est le 3 octobre. Et donc c'est Boris qui fait les textes. Et moi j'ai fait la musique sur une et sur un autre, c'est un autre copain qui a fait la musique sur une autre. Et c'est Super. Mais là, t'es sur un nuage encore. Mais il y a 2 ans, tu l'étais parce que la rencontre de la rencontre. Comment... Mais elle s'est complètement magnifique, si tu veux. Et, sur l'album, je vais rajouter une reprise de Bach. Allô, comment ça va? Ça va. Excellent. Attends, ah oui, c'est vrai, il faut payer immédiatement parce que tu termines. Hein? Bah oui. Ouais. Alors là, c'est pour monsieur et c'est 4,50€. D'accord. Et les deux? Ah non, c'est moi qui paye. Merci, Rénal. Ça fait plaisir. 8,90€. Combien? 8,90€. Oui, d'accord. Mais les gars, ils sont bons. C'est toi qui sont bons. Non, c'est monsieur. Je sais pas si c'est moi. Je crois pas. Non, je crois pas. Non? Ah. Méchant mon fille. Non, moi, c'est rien. Il y a une bonne odeur. Il y a quelque chose qui est passé qui n'est pas désagréable. Et donc voilà, c'est fabuleux, si tu veux, d'une chanson on est passé à une deuxième, troisième, quatrième, et aujourd'hui on est tout le temps ensemble. Et c'est quelqu'un qui est très généreux, très fidèle, en amitié, et du coup je vais faire une chanson de Bach Funk sur mon album. Laquelle? Alsace Blues. Oui, bah oui. Donc, et d'ailleurs qui a été dernièrement, tu sais, ils ont fait un film, des podcasts là, filmés là, sur Bach Funk. Et ils se sont trompés puisqu'ils ont dit que la chanson elle avait été faite pour la grand-mère d'Alain Bach Funk, alors que Boris a écrit la chanson quand il était au Japon. Ok. Oh, mais, donc ils sont un peu trompés sur ce qui a été dit là. Mais voilà. Et j'ai fait une version, si tu veux, de guitare. De guitare de Alsace Blues. Je te l'enverrai si tu veux. Oui, est-ce que tu veux nous la chanter? Ouais. Et elle est très, très simple, très sobre, mais elle marche bien, elle marche bien. Et ça va être la petite chanson bonus sur l'album, quoi. La chanson mystère. Voilà. Alors, mais bon, d'un autre côté, c'était ce que je voulais faire il y a quelques semaines, une fois que j'ai fini l'enregistrement d'Alsace Blues et puis que Boris m'a dit que c'était bien. Et là, je me dis, tiens, la chanson mystère, ça sera peut-être celle de Boris Vian, tu vois. Donc je me retarde sur plein de choses. Parce que mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui avancent, quoi. Ok. C'est vraiment, vraiment chouette. Merci, madame. Merci. Charline. Oh, ok, Charline. Et toi? Rénald. Renaud. Donc, c'est Boris qui t'ouvre les portes aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Il aime ta chanson, il aime ta voix. Eh bien, à mon avis, il aime la voix. Il aime les musiques que je fais. Ça, c'est clair. Il aime mon style. Et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne bien. Et j'ai un vrai, vrai luxe parce qu'il me fait des textes sur mesure. C'est vraiment toujours 100% sur la mélodie. C'est ce que tu veux en plus amener comme sujet. Les mots qu'il utilise, c'est vraiment ce que tu veux porter comme... Ouais, en fait, et puis alors, il y a un jeu qui s'est installé puisque je ne sais jamais sur quoi il va écrire. Et j'envoie un truc, et alors des fois, ce que je pense moi qui va être un couplet devient un refrain, le refrain devient un couplet, et ainsi de suite. Et puis souvent, il me fait ralentir les tempos en disant tu vas trop vite, il n'y a pas assez de place pour le mais texte. Mais il a une oreille super attentive, hein. C'est pour ça que tu prends tout ce qu'il dit. Et le fait qu'on marche bien ensemble, c'est que je tiens vraiment compte de ce qu'il me dit, si tu veux. C'est une école. Ah bah oui. Ouais. Et ce qui est très agréable en plus, c'est que j'ai pas besoin de corriger le texte, de dire tiens j'aime pas ça ou j'aime pas ci, déjà j'essaye de le chanter. Mmh. Et une fois qu'il est en place, lui-même me dit tiens ce mot là c'est pas pour toi, ça sonne mieux. Il connaît déjà ce que tu veux mettre en bouche, voilà. Mais il t'entend chanter quand il écrit aussi. Oui, bien sûr, c'est bien sûr, aussi. Bien sûr, il a mon yaourt. Oui, ouais, exactement, mais est-ce que la musique aussi, c'est toi qui poses la musique après? Non, on a tout fait avec musique d'abord. Il n'y a que pour Boris Vian où j'ai fait la musique après. Mais alors toi, tu dois quand même produire constamment. Tu dois produire de la musique constamment. Bah ouais. Alors, tu bosses beaucoup depuis quelque temps. Ah ben j'arrête pas. Ouais. J'arrête pas de travailler en fait. Alors t'as mis ton autre travail en sourdine pour pouvoir te consacrer à ça. C'est clair. Ah oui, là, c'est clair. En fait, aujourd'hui, je fais 90% musique, ingénieur son et sonorisateur. Voilà, je sonorise aussi des concerts, ça fait des sous, puis on est toujours dans la musique. Mais voilà quoi. Ouais. Non, c'est très bien. Parce que le conte de fées d'il y a 2 ans, on dirait que ça vient d'encore s'ouvrir. Ça s'ouvre encore, oui, complètement. Si tu veux, il y a 2 ans, il y avait plein de choses qui étaient là. Après, maintenant, elles sont là, il faut les solidifier. Et aujourd'hui, tout est solide. Mmh. la ferme et la fenêtre. Virer l'espace entre elle et moi. Je la respire fière, secrète, son serpent au bout du bras. Me demande ce que je veux, moi bêtement ne réponds pas. M'impressionne, me transperce, son serpent descend très bas. Elle me demande si je le veux. Son regard me tatoue déjà. Se moque, sourit un peu, me dit Black Light, oui pourquoi pas. Elle boit du bleu, elle boit du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu trop blanc à toi t'es là. Elle a cueilli la lumière quand elle s'est penchée vers moi. Ses longs cheveux guérissent ma chair de fus un saigne en bleu maya. Je deviens fou face au serpent, je le défie prêt au combat. Où le cache-t-elle exactement? En terre humide, incognita. Elle boit du bleu, elle boit du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu trop blanc à quoi t'es là. Elle boit du bleu, elle boit du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu trop blanc à quoi t'es là. Ma fenêtre, le bleu du ciel, je ne l'aime pas, et me dessine en aquarelle le dernier fils de son cobra. Elle boit du bleu, elle boit du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu trop blanc à quoi t'es là. Elle boit du bleu, elle boit du noir, un bleu cobalt comme son cobra. Elle peint du noir, elle peint du bleu, un bleu trop blanc à quoi t'es là. Tu sais, parce que quand on connaît ton style, on dit c'est un peu loin de Bobby. Mais oui, mais pas tant que ça, parce que tu vois, moi j'adore la Glovette. Ok. Et lui aussi. Et j'adore Jimmy Cliff et lui aussi. Donc si tu veux, ça marche. On y arrive. On y arrive. Et puis il y a beaucoup de. Quand j'ai terminé une chanson, je lui propose. Et je lui fais. Et de là, suivant ce qu'il va me dire, il y en a une que je vais jouer ce soir, qui s'appelle L'épouvantail et moi. J'avais tout fini, tout est fini. Et il me dit il manque quelque chose. Et il faut que tu la rendes panoramique, ta chanson. Et il m'a donné une idée de batterie et, je l'ai, et elle est devenue cinématographique, la chanson. Et c'est ça, à ça je voulais en venir parce qu'il y a deux ans, tu m'as dit, les chansons de Boris Bernard, c'est des histoires, c'est des films. Et encore ces chansons-là, la chanson. Oui, toujours, toujours. Et tout, il y a une histoire qui se. Tu vois une histoire, il y a des images. Tout s'additionne, c'est je vis un rêve, René. Ah oui, je vis un rêve. Mais encore c'est plus fort qu'il y a deux ans. Ah bah oui, complètement, parce que en fait, il y a deux ans, on n'avait pas cette relation, il n'y avait pas autant de chansons, et là, tout est vrai, quoi. Et c'est énormément de chance. Énormément de chance. Mes musiciens sont toujours les mêmes. C'est ça, les camarades, c'est oui, le noyau. C'est la même bande. À chaque concert, on se régale. On s'amuse. Le noyau aussi, tu es en train de vivre un rêve. Ben, ils sont vachement contents. Puis sur scène, tu joues les chansons qui sont différentes. Quoi, ben parce oui. Que, puis signé Boris Bernard, c'est pas signé. Ben ouais, c'est pas signé. C'est connu et reconnu. Ouais, c'est puis, certifié Boris Bernard. Et si tu veux, ça colle tout de suite. Quoi. On joue, ça colle. C'est ça qui est génial. Mais c'est sûr, aussi la différence entre un professionnel, un amateur et... Rien à voir, c'est quand même un très grand pro, quoi. Et donc, non, c'est génial, c'est vraiment, vraiment une... Vraiment, chaque jour est bien, quoi. Et il manque, avant il manquait 2 jours dans la semaine, aujourd'hui il me manque 4, quoi. Oui, ben, c'est ça, il faut peut-être rajouter d'autres journées pour pouvoir... Pour pouvoir combler tout ça. Mais ton travail au niveau de cet album-là qui se forme depuis à peu près 2 ans et demi, hein? Ouais. Parce que entre les lignes, c'est quoi, ça fait 5 ans? Ça fait 5 ans, ouais. Et j'en joue toujours des chansons dans notre Ben oui, parce que ça a tellement bien. Et puis, je te remercie. Mais c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais ça, c'est comme des albums bien, bien enregistrés, bien conçus, bien écrits. C'est que ça perdure si jamais. Et puis les chansons étaient jolies, quoi. Ben oui. Elles sont jolies. Et je me dis aussi, quand je t'écoute, il ne doit jamais s'emmerder de reprendre ces titres-là parce que c'est tellement riche. Et tu es dans un autre. Jamais. C'est ça. Tu la vis autrement. Si tu es fatigué, tu vas l'interpréter d'une autre façon. Si tu es en pleine forme d'une autre façon, plus rock, plus acoustique. Donc, tout à fait. Elles ont beaucoup de puissance. Donc, c'est pour ça que tu peux en tirer tout ce que tu veux. Oui. La chanson Entre tes lignes, l'autre jour, je l'ai jouée. Puis, j'ai pas eu le temps de brancher ma guitare électrique. Bon, parce que j'aimais bien. Elle est quand même assez électrique de parler le son de guitare saturée. Et. Moi, je l'ai fait à l'acoustique, si tu veux. Comme ça... tu fais sur la rue des abeilles souvent. Voilà. Bon, alors, il y avait quand même tous les musiciens qui étaient là. Okay, mais moi, quand j'attaque au départ, normalement, il y a un gros son de guitare. Et ben là, non, quoi, c'était avec la Martine. Et puis et, ça a vachement bien marché. Ça a vachement bien marché. Et tu l'as entendu d'une autre façon. Bien sûr. Et de par le son, du coup, moi, je l'ai joué autrement, je l'ai chanté autrement. Et les musiciens l'ont joué aussi autrement, et c'était vachement bien, quoi. Mais comme ça fait déjà 2 ans que tu travailles sur ton nouvel album, qui n'a pas de titre, hein, sans doute, il n'est pas encore... Il est presque fini. Ah, tu trouves un titre? Alors ça, une fois que toutes les chansons seront terminées, on va toutes les réécouter. Les maquettes sont faites. Okay. Ouais. Les maquettes sont faites. Là, tu rentres en studio. Il y en a certains qui ont déjà été faites en studio, si okay. tu veux. Il me reste 3 chansons où il faut que je dois réaliser. C'est bon, tout est fait. Tu réalises ça chez toi ou Ouais, je fais ça okay. chez moi. Ouais. C'est vachement confort et le son est bon de la pièce. Okay. Donc. C'est gagnant. Et puis j'ai tout le temps que je veux, les micros sont bons, le son est bon, que ce soit une batterie ou une guitare, premier, ça marche. Mais ton premier disque, est-ce que tu as été enregistré à la même place? J'avais fait le chant et les guitares acoustiques à la maison, et le reste on l'avait fait dans un studio. Mais ça coûte beaucoup moins cher à la maison, surtout quand ça sonne comme un studio. Aujourd'hui, il sonne vachement mieux en plus. Hein. J'ai vu aussi qu'il y a quelques mois, tu vendais des micros hein, pour oui, t'acheter. Ouais, c'est ça. J'ai acheté un beau Neumann. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai refait les guitares et c'était et le chant. Un beau micro ce que tu avais. C'était bien. Mais tu voulais encore monter. Voilà. Parce que tu dis, je travaille pas avec n'importe qui, donc on va quand même. Bah, t'as envie de. Et puis, au bout d'un moment, tu te poses des questions parce que tu te dis. Neumann, mais Neumann, c'est Neumann. Ah oui. Et ça fait une vraie différence, quoi. Oui. Et donc, est-ce que c'est un micro allemand, ça? Oui, c'est ça. Et puis c'est des micros qui sont quand même chers, donc il faut réfléchir. Hein. En plus, avec toute la chaîne qui va avec, entre les préamplis et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est bon pour une vie. Hein. Si tu lui fais attention, c'est bon pour une vie. Bien sûr. Et ça marche pour tout. C'est un son qui va rester excellent pendant peut-être 20, 25 ans. Et puis, tu chantes plus de la même manière. Tu sais, tu es dans le casque. Parce que tu t'entends d'une autre manière. Ben oui, tu es dans le casque. Parce que même si tu as pas mal d'ingénieurs son qui arrivent à retrouver le son de tel micro après. Mais avant, tu ne l'as pas dans les oreilles. Et là, avec le tal. T'as un son, tu penses autrement, quoi. Ben ouais. Et c'est génial. C'est génial. Donc, même c'est du rêve aussi. Ce micro-là te donne du rêve, t'as pas que bien sûr, rêve. Bien sûr. Et puis tu joues avec le son, en fait, tu chantes plus ou tu joues plus avec le texte que tu as à dire ou dans le côté technique, tu vas être avec le son. Mmh. Et c'est génial. Quoi. C'est vrai. Et pour moi, c'est fabuleux. Donc il me reste 3 chansons à terminer au niveau de la réalisation et puis c'est bon. Ici, parce qu'on, c'est sûr quand on fait le premier album, on compare avec le premier. Hein, est-ce que ça tourne vers le même son, un peu rock? Oui, country rock, on va dire. Oui, toujours. À la rigueur, j'ai plus d'instruments. J'ai des claviers, j'ai de la contrebasse, j'ai du violon, j'ai du banjo, j'ai du dobro. J'ai même sur un morceau du bouzou, tu sais, c'est une... Oui. Il m'a fait guitariste qui... Il y a deux guitaristes qui travaillent avec moi, et dont il y a Norbert Miguel, qui est vraiment blues rock avec tout ce qui est rock qui sonne... On dit du rock sale chez nous. Puis tu sais que tu l'as... Rock garage. Et puis voilà, puis t'es sur scène, et puis à un moment, faut mettre le turbo. Il y va quoi. À la Jimi Hendrix maximum dans tous les. Ouais, et juste avec la main en plus. Hein. Okay, il a pas besoin d'appuyer sur les pédales, c'est juste la main qui fait t'as le turbo. Et un autre guitariste qui s'appelle René Mira, et qui lui mélange les guitares, le banjo, le dobro, le violon. Et ça a vraiment amené autre chose aussi dans les chansons. Plus du clavier. Donc ça c'est bien. Et puis elle alterne des coups de cuivre, des choses comme ça. Ça prend une forme complètement différente. Et on a perdu, on n'a pas perdu, mais Boris nous raconte des histoires, si tu veux. Et c'est vraiment, voilà. Et tandis que l'album Entre tes lignes, il y a un côté, on va dire, romantico-rock. Mais c'est le côté féminin aussi. Eh ben oui. Voilà. Donc c'est homme-femme en même temps quand tu vas faire un spectacle. C'est de jumeler tout ça, c'est l'osmose. Ouais. Et ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Bien sûr, bien sûr. T'as-tu réfléchi à la sortie de l'album? C'est pour quand? Tu sais pas encore? Ah, mais là, t'es sur un autre projet de Boris Vian. On a répété cet après-midi. Mais en plus. Il faudrait qu'il se pose un peu, lui, là, pour te laisser travailler, je sais pas. Ouais, mais il arrête pas, en fait, c'est génial. Et t'es-tu rendu intermittent ou... Non, je suis pas du tout intermittent. Okay. Moi, je suis pas. Si tu veux, ça fait des années que j'y suis plus. Et c'est très bien comme ça. Ça me permet... J'ai mon association qui permet de facturer, de payer. J'ai pas à gérer ça et c'est bien. OK. Et c'est vraiment bien. OK, c'est pas toi qui gères tes affaires. Ah, mes enfants? Non, mes affaires? Ouais, c'est ça, tes affaires. Non, tes enfants. Tes non, mais des fois, avec l'accent, j'aime bien ton c'est ça. Non, mais tes affaires, c'est... Mes affaires? Si, c'est toujours moi qui gère. Okay. C'est toujours moi qui gère. Okay. C'est Ça, je m'en fous un peu en fait en ce moment. Tu veux, ce qui est important, c'est de faire des chansons. Ben et puis quand on te téléphone en disant tiens, j'ai envie, fais-moi quelque chose comme ça, fais-moi une chanson un peu solaire, fais-moi ci, fais-moi ça, c'est un rêve. Ça, c'est Boris qui t'appelle comme ça, à toute heure du jour et de la nuit. Il est presque dans le pot, ce gars-là. Voilà, tiens, il y a ça, fais-moi ça. Ouf. Ou alors il me dit tiens, je m'en vais en voyage, ça serait bien d'avoir une chanson, un texte à faire. Donc si t'as compris le message, je fais pas de problème, tu prends la guitare, tu lui envoies le yaourt. Tu as du matériel de mélodie pour lui envoyer, pour le calmer un peu? Fais au fur et à mesure, parce qu'en même temps, ça me permet après de construire la chanson. Parce que si composer, et derrière, ça me fait plein de chansons qui ne sont pas terminées ou qu'on j'ai pas travaillé sur le texte. Mais là, il y a Boris Vian. Oui. En fait, est-ce que c'est des compositions sur Boris Vian ou c'est des chansons de Boris Vian? Non, c'est ça qui est génial. Ok, c'est l'original. C'est sur Boris Vian. C'est sur Boris Vian. Alors, c'est quoi ces chansons? Non, c'est des chansons de Boris pour Boris Vian. Tu ne dis rien, c'est trop encore. Ne me dis rien. Encore plus fort, tu ne dis rien, dis-le plus fort, redis-le-moi plus bas encore. Tu ne dis rien, c'est trop encore, ne me dis rien. Laisse-moi tenir entre mes yeux, goûter l'odeur de tes cheveux. Encore une fois, encore un peu, une dernière fois. Laisse-moi glisser là devant toi. mes deux mains, un peu mes yeux. Encore une fois, encore un peu, seulement les mains, faute de mieux. Tu ne dis rien, c'est trop encore. Ne me dis rien, encore plus fort. Tu ne dis rien, dis-le plus fort. Redis-le-moi plus bas encore. Toi donner ce que je veux, ce n'est pas rien, et c'est trop peu. Laisse-toi tomber là, tout au creux. Laisse-toi aller. Stop, I'm looking through the window. Nobody moves, wait until tomorrow. My hand goes slow, turning on the radio. My head goes low, cannot find a place to go. The blues is coming. Think about smoking. The blues is running. Think about crying. I feel the Sunday blues in the afternoon. Feel the Sunday blues in the afternoon. The clock passed three. I know you won't come in. My eyes get sad, teardrops one more time. My world turns black, sadness coming back. Oh no, madness and blues attack. My world turns black, the blues is coming. Think about drinking, the blues is running. Think about hiding. I feel the Sunday blues in the afternoon.

qu'à profiter on recommencera. Tu aimes trop ça, on le sait toi et moi. Funny day, lovely, lovely, funny day. Funny day. Le jour sans fin n'existe pas. Quoi que tu puisses faire, il ne revient pas. Mes délires et s'aimer a tout changé. Le temps est arrêté, lovely, funny day. Hey. Funny day, lovely, lovely, funny day. Funny day, lovely, lovely, funny day. Funny day, lovely, lovely, funny day. Funny day, lovely, lovely, funny day. Errance rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Il était roi d'une âme, elle était solitaire. Il demandait à croire, elle était irréelle. Il s'aimait transitoire, en amour éphémère. Il était roi d'une âme, elle n'était que presque elle. Il se frôlait comme on touche, s'épuisait à se fuir. Tout près de l'autre bouche, il narguait le plaisir. Pour ne pas s'attacher au matin trop brutal, il soufflait sur le rêve pas se faire mal. Il était roi d'une âme, elle était solitaire. Il demandait à croire, elle était irréelle. Il s'aimait transitoire, en amour éphémère. Il était roi d'une âme, elle n'était que presque elle. S'entendait sans se voir, s'oubliait au réveil. Enlaçait leur mémoire rayon du sommeil. Ces fleurs est animale, se goûtaient pour de rire. En langue originale, à crever de désir. Les terroirs d'une âme, elle était solitaire. Il demandait à croire, elle était irréelle. Il s'aimait transitoire, en amour éphémère. Il était roi d'une âme, n'était que presque. jamais n'en parlèrent. Ils étaient solitaires. Il était roi d'une âme. Elle n'était pas la reine. Il était roi d'une âme. Elle était solitaire. Il demandait à croire. Elle était irréelle. Il s'aimait transitoire. En amour éphémère. Il était roi d'une âme. Elle n'était que presque elle. Attends, c'est des chansons? C'est de Boris Bergman pour Boris Vian. Ok, exactement. Alors, ça va raconter l'histoire de Boris Vian. Eh bien, ouais, à travers le texte, il y a plein de choses qui, tu veux, qui sont qui parlent de la, qui parlent de Boris Vian, de plein de choses. Et okay. C'est génial, quoi. Oui. Mais est-ce que ça va devenir un album de toi sur Boris Vian? Ah non, c'est... non. Okay. C'est juste un coup de poker, quoi, comme okay. Ça, un joker. Que tu vas aller jouer un peu partout pendant. J'aimerais bien mettre cette chanson-là sur l'album. Et après, on va quand même la réaliser parce qu'on va on va les mettre en studio les chansons parce qu'elles sont jolies. Les deux, elles sont jolies. Après, on verra bien si elles vont être présentées à qui voudra bien les écouter. Ben oui, ben et puis oui. On verra bien ce qu'ils veulent en ah, faire. Mais ça, le reste, mais, écoute, les gens vont se l'approprier s'ils veulent bien. Ça sonne. Il faut arrêter de faire de la musique pour quelque chose. On fait de la musique pour soi, puis si les autres mais, aiment, tant mieux. Je te fais un petit coup tout à l'heure. S'il n'y avait pas trop de monde, parce que ça reste un peu secret encore. Okay. Je te fais un petit coup tout à l'heure de guitare à la guitare de la chanson. Tu verras, elle est superbe. C'est super. Est-ce que c'est terminé le texte de la chanson de Boris Vian? Ouais, ouais. En fait, ce qui est génial, c'est que j'ai eu le texte dans l'intégralité et c'est moi qui ai bossé dessus derrière. Quoi. Et comment tu as trouvé son texte? Bah, vachement bien, quoi. Ça t'emporte vers une musicalité? Ces mots t'emportent une mélodie? Ouais, comment j'ai fait? En fait, donc il m'a envoyé le texte et j'ai pas voulu le lire tout de suite si tu veux parce que j'ai voulu garder le premier jet que c'est et puis être sans trop t'influencer voilà, par les paroles voilà, et ouais et puis être prêt à enregistrer tout de suite, tu lis et puis t'as ta guitare et en même temps ce qui fait que si t'as l'idée elle est là, c'est la bonne quoi. Puis comme tu l'enregistres, tu perdras rien. Ben oui. Okay. Et sinon, si tu commences à regarder en me disant « Oh, j'ai l'idée », c'est foutu oui, derrière. Ça passe, puis c'est foutu. Donc voilà, et puis j'ai commencé à... il me disait qu'il avait envie d'un côté un peu swing, et donc tu réfléchis un peu à se mettre dans cette ambiance-là, et puis à lire les mots. Swing, en plus, c'est la période swing de Boris Vian, c'est pour ça. C'est le clin d'œil, il se rajoute. C'est ton style, en plus, le swing. Bah ouais. Ben oui. Donc le clin d'œil, il est maximal, quoi. Et puis ton look aussi, ça doit l'allumer, ton look un peu rockabilly. Le mec. Et c'est venu comme ça, quoi. J'ai commencé à gratter un peu, et puis la chanson, c'est... Les mots se sont posés. J'ai fait ça vachement vite. Mais c'est quand même, j'en reviens pas. Mais toi non plus, hein, on dirait que tu te pinces régulièrement pour savoir est-ce que c'est un vrai rêve. Et chacun, on espère tous des rencontres dans la vie artistique ou même humaine, si et tu veux. Fort, et, mais c'est un vrai rêve. C'est vraiment un vrai rêve. Et avec énormément d'attention et de bienveillance vis-à-vis de moi et qui est vraiment chouette. Et puis tout se fait au bon rythme. Je crois que c'est vachement important aussi. On aurait envie d'être sur tous les festivals, toutes les scènes et d'avoir l'album déjà fini. Mais en fin de compte, ça viendra. Et puis en plus, il y avait certaines chansons qui n'étaient pas matures. Je pensais qu'elles étaient finies, tu vois. Puis il me dit non, elles ne sont pas finies. Il manque ça. Il le sait. Tu peux pas dire non. Et à chaque fois, il a raison, quoi. Ah, ben oui. Et un jour, il a fait un truc. C'est une école. J'étais vachement content. Et en fait, je me laissais porter sur la musique. Et il me dit, mais non, c'est trop rapide cette chanson. Alors, je lui ai dit, bon, d'accord. J'ai ralenti peut-être le tempo de 10, tu vois. Et il me rappelle, il dit, mais tu te fous de ma gueule, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Et en fin de compte, on devait être à 140 ou un truc comme ça. Je suis passé à 70. Et c'est ce qu'il voulait. Et du coup, le texte a pris une ampleur complètement différente. Ça s'appelle Au fond des poches. Et moi, au fond des poches. Et ça avait, moi j'étais, c'était la fête quoi. Et en fin de compte, non. Je voyais quelque chose de gay dans le texte. Et alors que c'est gay qu'à la fin. Mais moi ça me suffisait. C'est, donc je voyais ça tout le temps. Et il me dit non. Et au départ c'est pas gay. Mais ce qui me surprend moi de ce gars-là, c'est toujours l'imaginaire. Il y en a des choses à dire. Il est toujours inspiré. Il y a toujours la bonne phrase, les bons. C'est incroyable. Incroyable. Le talent, c'est la magie et le talent. Oui, le talent ouais. Avec bien sûr l'expérience de tant d'années d'écriture, mais c'est le talent. Oui, c'est le talent. Mais ça coule de source, bien. On dirait qu'il était inspiré, il vient déjà de. J'ai une chanson qui s'appelle Clandestin Passager, qui est un truc très country. Et il me manquait 4 phrases, ce qu'il avait oublié de m'écrire. Et donc, dans le côté clandestin passager, alors, ça te fait un truc. À faire, faut de tout boire, de tout rien, c'est tout moi. Tu te souviens qu'un peu country, balade. Et je me suis retrouvé seul à bord, à me tirer au sort. Et donc tu te dis, ben, tu vas le penser un peu, t'es clandestin, t'es un passager clandestin. Le coup de violon, ça me faisait penser, tu sais, genre, troisième étage du Titanic avec les Irlandais qui dansent. Et donc t'avais un côté quand même un peu triste. Et donc, dans l'interprétation, c'était amené comme ça. Il me manquait 4 phrases. Et il regarde le texte, il voit ça, mais comme ça. Et ça fait... et dans les 4 phrases, c'est... Je vais noyer ton poisson rouge. Il se fout de ma gueule de l'aquarium. Dès que j'ouvre un œil, ton poisson bouge et ça me met le cœur à l'automne. Oh, c'est beau! Tu chantes plus la chanson de la même manière! En plus, t'as pas rien à dire, là, tu dis écoute, on valide. C'était clair, il y avait donc tout le côté un peu triste, si tu veux, qui était mélancolique. Ça a tout cassé, tout est si bien. Et puis derrière, le refrain on reprend encore plus fort, quoi. Ça ouvre une soupape, tu sais, ça devenait dramatique. Ouais. Ok, c'est... Ouais, ouais. Mais ça, c'est Boris Vermand, on a les jeux de mots, la consonance, ouais. La métaphore. Mais comme ça, hein, si tu veux, t'es là, tu vois, on est là, tu regardes ça. Ok, c'est 4,60€. Ouais. Incroyable. Mais c'est bien de travailler avec un gars comme ça, c'est inspirant. Ah oh bah oui, c'est... Et puis j'ai enregistré un autre groupe, un groupe à qui est venu à la maison pour enregistrer un 45 tours, quoi, un 45 tours. Oh ouais, un titre. 4 titres. Et du coup... Ah, c'est vrai. Et du coup, tout ce travail que j'ai pu faire avec Boris, je l'ai aussi réutilisé pour eux en disant mais non, ça... Et puis dans les textes, je change un peu 2-3 trucs, quoi. Non pas, j'ai pas la prétention de l'auteur, mais de la manière de ça sonne, quoi. Tu vires des mots, il y a trop de mots, je cherche pas à expliquer. Il n'y a pas besoin d'expliquer en permanence, et où est donc Ornica, on s'en fout, coupe. Non, parce que la musique aussi rentre en ligne de jeu, elle veut dire quelque chose. Bien sûr. Ça sert à rien de rajouter de la fleuriture, c'est là bah que oui. La musique. Et puis, il faut pas être en opposition musicale et texte, quoi. Non, c'est... Le coup du poisson rouge, là, c'était génial, quoi, la phrase. Le fait de travailler avec lui, comme je disais tout à l'heure, c'est une école. Et aussi de te prendre et de t'amener avec lui, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Ouais. Et toi, tu dois être libre constamment, là, parce que tu ne sais jamais où il va t'amener. Il peut t'appeler tout à l'heure, hey, écoute, j'ai eu un contrat, on s'en va. Peut-être pas dans cette... Ouais, ça pourrait se passer, ça peut se passer comme ça, si tu veux. Alors, si j'ai par exemple un boulot qui est pris, j'ai une date, si je bosse déjà, je bosse, quoi. Mais sinon, je me rends sans aucun souci disponible. C'est une vraie chance. Bah oui, c'est une vraie chance. Tu peux pas refuser trop souvent. Moi, je refuse pas, en fait. C'est ça, bah non. Et puis, en plus, il est vachement conciliant, ce qui fait que, on fait ça demain. Si tu bosses aujourd'hui, on fera ça demain, quoi. Ouais. Donc c'est... Et puis on se marre. Ah Reynald, ouais. Tu savais à quel point on se marre. C'est un gars qui est très léger malgré ses textes, des fois très chargé. Et tu te marres. Ça, les textes ils peuvent être vachement profonds. Ouais, Et tu te marres à côté. Et puis ça sonne toujours, quoi. Et avec lui, le temps passe rapidement. C'est du bonheur, c'est du bonbon. Ouais, c'est clair. Donc il faut quand même que je m'active un peu pour finir l'album, quoi, parce que je veux qu'il sorte, quoi. Parce que tu l'as mis en sourdine pendant 2 ans. Là. Ah ben, j'aimerais bien bosser 2 ans avec cet album, quoi. Ouais, mm-hmm. Ouais. Et puis, il faut le finir. Il faut finir. Le finir pour 2019 ou... Ah ouais. Parce que, en plus, même si les chansons... Mais là, on est rendu au mois de juillet, là. Ben oui, il faut que je me dépêche. Okay. Salut. Ben oui, c'est ça. Salut. Non, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Mais en même temps, ces chansons-là, l'intérêt, c'est qu'avant des antiquités, ils vont avoir vécu. C'est ça qui est plaisant. Oui, et ça, c'est vachement bien. Et puis, ça permet aussi de les jouer sur scène, parce que je me gêne pas. Ah et tu l'accueil. Vois, tu vois l'accueil des chansons. Alors, l'accueil? Ben, il est toujours vachement bon. Il est toujours vachement bon. Et suivant les ambiances, c'est pas toujours la même qui prime. Ah oui, donc ça c'est vachement bien ça, okay, ouais. Ça donne un côté surprenant. Ouais. Il y a une chanson qui est un peu punk rock reggae si tu veux, et je suis un grand fan des Clash et ça sera toujours, donc il y a un truc qui avait été pensé un peu comme ça, un peu genre la chanson White Man in Hammersmith. Ouais. Et au départ, si l'influence elle doit venir de là, c'est devenu complètement autre chose, un jour, putain, elle a cartonné cette chanson, j'étais là, putain, ça marche bien. Tu ne verras pas le jour demain, me jette la nuit au coin de l'oreille, je ferme à l'eau, tu te souviens, laisse-moi m'étendre sur ton sommeil. La nuit est froide, me frissonne, elle menace mes insomnies. Blanche de colère, elle déraisonne, et puis s'enfile tout mon whisky. Du self-control, me dit le chat, qui est bilingue, passé minuit. Si tu la tues, qu'est-ce que tu feras? Paranoté me souffle très bas, la nuit est parano, crois-moi, si tu la tues, tu t'en voudras. Emballe ton chat qui fait le malin, soutient la nuit qui se croit chez elle. Je suis pas la première minette du coin, elle me sourit, je la surveille. Me dis, tu sais, je te devine, puis viens me griffer sous les draps. Une nuit d'amour où j'assassine, je serre la nuit entre mes doigts. Du self-control, me dit le chat, qui est bilingue, passé minuit. Si tu la tues, qu'est-ce que tu feras? Paranoté me souffle très bas, la nuit est parano, crois-moi, si tu la tues, tu t'en voudras. Jour en jour, je supporte toutes les frayeurs de cette nuit-là. J'ai un vampire devant ma porte, je me laisse saigner, c'est n'importe quoi. Dealer de sable, de poudre d'or, la nuit voyage au bout de mon lit. Sous l'édredon, sa main m'ignore, elle se fait seule, je suis maudit. Un vieux hibou branché lugubre porte à la nuit un bon conseil. Lève-toi d'ici, la lune est mûre, vis loin d'ici, ça sent le soleil. Sort des coulisses, de la rosée coule contre moi. J'ai fait le con avec délice, profondément la nuit aime ça. Métamorphose-moi en matin, fais-moi un jour pas comme un autre. Laisse-moi rester jusqu'à demain, câline et douce, une nuit sans faute. Self-control, me dit le chat, qui est bilingue, passé minuit. Si elle s'installe, qu'est-ce que tu crois? Paranoté me souffle très bas, la nuit est parano, crois-moi, si elle s'installe, tu en crèveras. Self-control, me dit le chat, qui est bilingue, passé minuit. Si tu la tues, qu'est-ce que tu crois? Paranoté me souffle très bas,